Maintenant que nous avons montré Tartarin de Tarascon comme il était en son privé, hâtons-nous d'arriver aux grandes pages de son histoire et au singulier événement qui devait donner l'essor à cette incomparable destinée. C'était un soir, chez l'armurier Costecalde. Tartarin de Tarascon était en train de démontrer à quelques amateurs le maniement du fusil à aiguille, alors dans toute sa nouveauté. Soudain, la porte s'ouvre et un chasseur de casquettes se précipite effaré dans la boutique en criant « Un lion! Un lion !» Stupeur générale, effroi, tumulte, bousculade. Tartarin croise la baïonnette. Costecalde court fermer la porte. On entoure le chasseur, on l'interroge, on le presse. Et voici ce qu'on apprend. La ménagerie Mitaine, revenant de la foire de Beaucaire, avait consenti à faire une halte de quelques jours à Tarascon et venait de s'installer sur la plage du château avec un tas de boas, de phoques, de crocodiles et un magnifique lion de l'Atlas. Un lion de l'Atlas à Tarascon? Jamais, de mémoire d'homme, pareille chose ne s'était vue. L'émotion était si grande, si imprévue, que personne ne trouvait un mot à dire. Pas même Tartarin. Pâle et frémissant, le fusil aiguillé entre les mains, il songeait debout devant le comptoir. Un lion de l'Atlas, là, tout près, à deux pas. Un lion, c'est-à-dire la bête héroïque et féroce par excellence, le roi des fauves, le gibier de ses rêves, quelque chose comme le premier sujet de cette troupe idéale qu'il y jouait de si beaux drames dans son imagination. Un lion, mille dieux, et de l'Atlas encore. C'était plus que le grand Tartarin n'en pouvait supporter. Tout à coup, un paquet de sang lui monta au visage. Ses yeux flambèrent. D'un geste convulsif, il jeta le fusil aiguille sur son épaule et, se tournant vers le brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, il lui dit d'une voix de tonnerre « Allons voir ça, commandant !»« Eh bien, mon fusil aiguille que vous emportez !» hasarda timidement le prudent Costecalde, mais Tartarin avait tourné la rue et derrière lui, tous les chasseurs de casquettes emboîtaient fièrement le pas. Quand ils arrivèrent à la ménagerie, il y avait déjà beaucoup de monde. La grosse Madame Mitaine, en costume kabyle, les bras nus jusqu'au coude, des bracelets de fer aux chevilles, une cravache dans une main, dans l'autre, un poulet vivant, quoique plumé, l'illustre dame faisait les honneurs de la baraque aux Tarasconnais. Et comme elle avait double muscle, elle aussi, son succès était presque aussi grand que celui de ses pensionnaires. L'entrée de Tartarin, le fusil sur l'épaule, jeta un froid. En un clin d'œil, tout le devant des cages se trouva dégarni. Les enfants criaient de peur. Les dames regardaient la porte. Le pharmacien Bézuquet s'esquiva, en disant qu'il allait chercher son fusil. Peu à peu cependant, l'attitude de Tartarin rassura les courages. Terrible et solennelle entrevue, le lion de Tarascon et le lion de l'Atlas en face l'un de l'autre. Le lion d'abord renifla, gronda sourdement, écarta ses griffes et tira ses pattes. Puis il s'éleva, dressa la tête, secoua sa crinière, ouvrit une gueule immense et poussa vers Tartarin un formidable rugissement. Un cri de terreur lui répondit. Tarascon, affolé, se précipita vers les portes. Seul, Tartarin de Tarascon ne bougea pas. Il était là, ferme et résolu, devant sa cage, des éclairs dans les yeux et cette terrible moue que toute la ville connaissait. Au bout d'un moment, quand les chasseurs de casquettes, un peu rassurés par son attitude et la solidité des barreaux, se rapprochèrent de leur chef, ils entendirent qu'il murmurait, en regardant le lion, « Ça, oui, c'est une chasse !» Ce jour-là, Tartarin de Tarascon n'en dit pas davantage.